Ouais mec. Ouais mec. Ouais. Ouais bébé. Je vais te faire plaisir bébé. Ouais bébé. Je vous souhaite un excellent. Ouais gros. Bordasse. Comme un lance-flamme, t'as clip en mode Captain Flamme. Ouais mec, quitte le son. Écoute gros, ça rentre dans le fion. Ouais gars, aspire les chiffres. Tranquille boy, les rimes. Mais putain mec, on a calculette. Oh c'est mieux que le sexe. Prends une recette, c'est ouf mec. Des fonctions, c'est pour les filles, pour les garçons. Écoute mec, j'ai dérivé, j'ai plus qu'une. J'ai rêvé, c'est beau mec. Comme un romancier. Je bande mec, avec les nombres, comme le soleil bande, avec l'ombre. C'est fou les maths, pour les chiffres. Et à 4-4, le riff. Aime la musique, comme t'aimes ta mère. Les chiffres, 3 verres. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Je me présente, Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelle technologie de l'information et de la communication. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un cours de mathématiques, à savoir la résolution d'intégrale simple. Je vous souhaite une excellente journée. Mec, des fonctions pour les filles, pour les garçons. Écoute, mec, les dérivés, on a qu'une qui fait rêver. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un cours de mathématiques, à savoir la résolution d'intégrale simple. Je vous souhaite un excellent cours. La musique, comme t'aimes ta mère. Musique, reprends un verre. C'est clair. Ouais, tranquille. Oh, on est là. Notre homme. Avec c'est clair, les maths, les fonctions, les dérivés, intégration. Je dérive, tu intègres, tu intègres, et je rétrograde. Tu rétrogrades pas, mec, jamais de retour en arrière, toujours vers l'avant. Et avec moi, ma gazelle. Vers l'avant, toujours, en mode futur. Mec, on dit pas en rétrograder, mec, on dit intégrer, gars. En mode cinquième, tu es la cinquième.